وكذلك في فاتحة الكتاب. السيء النبي صلى الله عليه وسلم دماغ الخفات دماغ الله عز وجل دماغ كرازل بسول الجيد أشك فور إدي أو مونسيور le dieu de Jibril, de Michael, de Israfil, celui qui a pas sonné les cieux et la terre, qui connaît le caché et aussi ce qui est montré, ce qui est apparent. Toi, tu juges envers tes serviteurs là où ils étaient en divergence. Tu mets un canot qui est téléphone. C'est là qui juge. Et tu guides-moi là où justement ils sont en divergence, vers la vérité, avec ta permission. Certes, tu guides, c'est toi qui guides réellement vers la droite. Enfin, il y a des gens qui demandent à la de garder en fait dans cette idée. Et pourtant, cela envoyé dans là. Ça va que dire de nous? Que dire de nous de demander? Et on s'est même dit dans le Fatiha, l'Ikhdilah Mustaqim. Et c'est la meilleure Torah qui existe sur terre, l'Ikhdilah Jalat Mustaqim. De demander à la de le guider dans la droite. C'est pour ça que la meilleure Torah, elle est déplacée où? Dans la meilleure Surah, le Fatiha. Tu demandes à la ce qui est meilleur, c'est l'Ikhdilah Jalat Mustaqim. D'être guidé dans la droite. Hein? Donc la voix d'Allah Azza wa Jal, ça lui fait qu'Allah Azza wa Jal à la fin de l'Islam à l'Ikhma. Donc en réalité, il y a de quoi être fier d'être guidé par Allah subhanahu wa ta'ala. فَمِنْ أَرَادَ الْهِدَاءَ فَلْيُلْزِمْ مَجَالِسَ الْعِلْمِ هَلَا فِيهِ أَرْيَادَ الْجَنَّةِ. Donc celui en réalité qui veut acquérir cette guidée, qu'il profite réellement et qu'il assiste donc aux assises de science qui ne sont rien d'autre qu'en réalité que des jardins du paradis, qui ne sont rien d'autre en réalité que les jardins du paradis. قال ابن عمر رضي الله عنه أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أردت بهداية الجنة فأردعه قالوا يا رسول الله وما رياض الجنة قال حلق العلم حلق الذكر فإن الله سيرات من الملائكة يطلبون حلق الذكر فإذا أتوا عليهم حلقوا بهم. النبي صلى الله عليه وسلم dit si vous passez à côté des assises de Rahel, asseyez-vous, restez-y. Et dit, oh, mais dans quelles sont en réalité donc, les jardins du paradis plutôt. Donc les jardins du paradis, asseyez-y. Asseyez-vous donc dans ces jardins. Il dit, oh, mais qu'est-ce que les jardins du paradis? Il dit, ce sont les assises de rappel. Donc les assises de science. Certes, Allah a des anges qui volent, qui voyagent. Ce sont en réalité des anges qui ont comme but, comme droit de voyager et de rechercher en réalité les assises. Hein, la Jérusalem, c'est le texte, l'aide. Et donc lorsqu'ils voient ces assises, ils détectent lorsqu'ils arrivent cela, ce qu'ils font donc en réalité, ils les recouvrent. Ils les entourent. Ils les entourent. Waqala Ama. Qu'est-ce qu'il dit Ama? Rahmallah ta'ala. Majalis ul fikri, majalis ul halal wal haram. Kayfa yashtari, wa yabir, wa yasum, wa yusalli, wa yatasaddaqu, wa yankahu, wa yutariqu, wa yahujju. Donc voyez ce qu'il dit Ama. Il manque en réalité cette terre. Hein? Donc en réalité c'est l'ilm shar'i, c'est ce qui est halal, c'est ce qui est haram. Mais si on commence par tawhid, par ce qui est azar al-halal et al-haram, par tawhid, donc asma Allah al-husna al-sifat al-ula, tout cela, et aussi donc il dit, c'est les assises de ce qui est licite et indicite. Comment tu achètes, comment tu vends, comment tu jeûnes, comment tu pries, comment tu fais le mal, hein? Comment tu vas te poser la zakat, comment tu vas te marier, comment tu vas te divorcer, comment tu vas faire et effectuer ton pèlerinage. Comment cela? عادة الآن الناس لا يتعلمون ويسألون بعد généralement malheureusement maintenant حتى فينا même chez nous les jeunes salafis d'Akhiri ne s'assied plus ils font des dégâts des fois et après ils posent la question j'ai fait ça est-ce que c'est tahlil et madame Agnès pourquoi tu ne t'es pas assis en réalité avant assieds-toi et après fais ne commets pas en réalité ces erreurs que en réalité d'abord assieds-toi et tu verras ces erreurs et là tu seras loin de cela. إذا تعلم يا عبد الله فهذه وصية الأولين وصية السلف عن الأمة قال ابن مسعود رضي الله عنه عليكم بالعلم قبل أن يرفع ورفعه هلاك العلماء فوالذي نفسي بيده ليعلمن رجال قتلوا في سبيل الله شهداء أن يبعث الله عز وجل أن يبعث الله عز وجل علماء لما يراهون من كرامته وأن أحدا لم يلاد عالما وإنما العلم بتعلمه. ولسيدي بن مسعود رضي الله عنه دونك أبغني دونك لا سيونس أبغى كي تسباريس أبغني لا سيونس أبغى كي تسباريس. Et elle va disparaître comme avant qu'elle soit en vérité retirée. Elle est retirée par la mort des savants, elle est l'ulama, par la mort